Chapitre 25. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile avec elles, tandis que celles qui étaient sages emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, les 10 jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez, allez à sa rencontre !» Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt au magasin et achetez-en pour vous. » Les insensés allèrent donc acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, l'époux arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais l'époux répondit « Je vous le déclare, en vérité, je ne vous connais pas. » « Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, regarde, en voici 500 autres que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit, « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. Regarde, en voici 200 autres que j'ai gagnées. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de graines. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Regarde, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu de graines. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque, et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec l'intérêt. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or, et donnez-les à celui qui a 500 pièces. Car à tout homme qui a, l'on donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans l'obscurité. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » Quand le Fils de l'homme viendra comme roi avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » Les justes lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits par Dieu. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Ils lui répondront alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger ou nu ou malade, ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru? Le roi leur répondra, je vous le déclare. En vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait non plus. Et ils seront envoyés au châtiment éternel, tandis que les justes iront à la vie.